5 minutes à nous accorder. En fait, on est stagiaire actuellement sur la formation collectée, enregistrée des témoignages. D'accord. Et donc stagiaire à l'INA. Et donc, on souhaiterait vous interroger sur la thématique du militantisme. Donc, c'est pour... Françoise, il y a déjà une stagiaire pour toi. Je pense que si tu as 5 minutes, elle raconte. Pas 5 minutes ? D'accord. Parce que je vais pas pouvoir. Enfin, je vais essayer, mais. Non, c'est 5 minutes. Hein, je viens de débarquer, donc c'est pour ça que je suis pas sûr d'être à la hauteur dans vos réponses. Mais non, mais. Pas de soucis. Mais c'est sur votre expérience personnelle, pas forcément. Pas de soucis. Pas forcément à l'INA, d'ailleurs. Pourquoi ? Donc, notre exercice, en fait, c'est de faire un enregistrement de 5 minutes qui sera ensuite diffusé sur le blog des stagiaires, enfin voilà, d'accord, le blog de l'INA. Et donc, avec votre autorisation, bien sûr. Donc, on a un petit contrat, voilà, ici, que je vous montre. D'accord. Et donc, en fait, tout ça, ça a vraiment une visée pédagogique parce que ça doit ensuite intégrer voilà, le blog en question. Donc, d'accord. Voilà, d'où l'idée de l'exercice. Maintenant, tout de suite ? Oui, c'est... Bon, bah, pas de souci. Vous voulez qu'on aille dans la salle de réunion ? Non, pas du tout. Oui, voilà. Vous voulez qu'on aille... Tiens, à vous poser. Donc, déjà, votre place, en fait, dans le militantisme, votre expérience, elle est plutôt syndicale, politique, associative. Plutôt associative. Plutôt associative. Tout à fait. D'accord. Et donc, vous avez participé à des actions qu'on pourrait qualifier de militantes dans le domaine associatif. Alors, je ne vais pas parler de militant, mais en tout cas de... Le message à transmettre, oui, c'est, je pense que c'est une sorte de militantisme, mais pas au sens, comme vous l'entendez, c'est pas politique en tout cas. D'accord. Et est-ce que vous auriez un exemple précis à nous décrire, en fait, ou à nous raconter, justement, d'une action concrète que vous auriez menée dans ce cadre-là ? Non, j'ai pas d'exemple précis, c'est dans au sens le cadre large associatif, du terme. C'est plus une participation à la vie de tous les jours dans certains domaines de l'associatif. Après, Du coup, vous pouvez peut-être en tant que participant ou spectateur nous décrire une action qui a été réalisée par votre association. Alors, c'est une action qui intervient tous les jours, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pas sur une action en particulier, c'est sur du très long terme. D'accord. D'accord. C'est de l'association, on va dire, sanitaire. D'accord. Mais alors, du coup, quelles seraient vos motivations quel est le contexte, en fait, que vous défendez quoi, au sens large du terme, on va parler de défense. Ouais, c'est la défense de l'autre. Une aide qu'on apporte à autrui, d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Et donc, le but, c'est votre but dans ces... Dans cette association, au-delà de défendre, vous attendez des résultats. Enfin, quel est votre objectif, en fait ? Alors, c'est apaiser les souffrances. D'accord. Morales comme physiques. D'accord. Et donc, vous êtes combien ? Il y a vous qui intervenez et puis... On est une quinzaine, à peu près. Une quinzaine, d'accord. Sachant qu'au niveau national, on est des milliers. Oui. Là, vous intervenez... localement. C'est une section locale d'une association nationale. Tout à fait. D'accord. D'accord. Ça se concrétise comment ? Quelle forme ça prend, en fait, votre action ? Elle prend quelle forme ? On parle professionnelle ou associative ? Associative. Associative. C'est plus l'aide aux personnes sans-abri, aux personnes démunies. Dans un premier temps, il y a aussi l'aspect premier secours dans un second. D'accord. Voilà. Donc là, vous apportez une aide de terrain. Vous tout êtes à fait. Vraiment, tout à fait. Et vous fonctionnez en équipe En équipe, oui. Ouais. Toujours. On travaille mieux en équipe. Ouais. C'est mieux quand on est individuel. Et vous faites ça à quelle fréquence ? Un week-end sur deux. Oui, donc on peut parler sous forme de bénévolat. Quand même. Sous forme de bénévolat, tout à fait. Parce que ça vous prend quand même... Du temps, quand on aime, on ne compte pas. Oui, tout à fait. Ça fait 20 ans, hein, donc ouais. On arrive facilement à concilier les deux, c'est pas un souci. Hein. Le travail et le bénévolat, c'est pas gênant. D'accord. Alors, on est arrivé à la fin de notre entretien. Mais c'est vrai que ça suscite d'autres questions, mais on pourra faire une deuxième interview éventuellement. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être votre... Non, rien à rajouter. Il y a tellement de choses à dire, de toute façon, je pense que vous n'avez pas trop le temps. Là, tout de suite, non, mais peut-être que dans un second temps, justement, ou d'autres personnes... Je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Ou d'autres personnes que vous penseriez intéressantes, indispensables à contacter dans ce cadre-là. Eh bien, si c'est le cas, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. D'accord. Ben, en tout cas, voilà, vous avez ici le contrat qu'il faut... Je vois pas la rémunération, par contre.